peke jamè avouè. Se ke ou kaba mwen fòs pou mwen leve lè mwen tombe. Paske mon love depi tro lontan, sa ke fè mwen mal si ou lese mwen tombe. Paske mon love sa ka ran mwen kontan, mais sa ke fè mwen mal si on jou ou pa ritounè. Oh oh Sandra, oh oh Sandra. Ma vie frère tous les jours, oh, no. Caressant tout partout, oh, no. Ma vie frère tous les jours, envoie-moi pour exister. Ma vie frère tous les jours, mm-hmm. Caressant tout partout, mm-hmm. Ma vie frère tous les jours, envoie-moi pour exister. Oh, oh, Sandra. Oh, oh, Sandra. Venez pour moi douceur, tous les jours en soleil qu'a levé. Sandra, c'est pour les yeux qui qu'a changé, changé. Moi qu'a prié ou les moi envie chanter. Moi qu'a tchembe ou les moi envie danser. Paske mon love, ou ve pa konprann sa. Mwen te ke vle osi, konèt l'amou epi la jwa. Paske mon love, an se le partaje. E mwen ke priye Diye, pou pe sa konprann mwen. Chercher l'amour.